Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce mois de décembre dans la lanterne des otaku. Noël est déjà passé et l'année 2024 s'apprête à écrire ses dernières pages dans quelques jours pour laisser place à 2025. En attendant, on va donc aller au vif du sujet. Au programme pour ce dernier numéro de l'année, nous resterons dans le thème de l'hiver et nous nous rendrons à Sapporo, qui se trouve au nord du Japon, où les amateurs de sports de neige, de nature seront servis. En parlant de sport, et plus précisément d'arts martiaux, le japonais avec un grand J dont je vais vous parler aujourd'hui a permis l'unification du Japon pendant le XVIe siècle. Celui qu'on surnomme le Napoléon japonais va imprimer très vite sa marque en tant que chef de guerre impitoyable qui finira par écraser les grands noms des seigneurs de guerre. Il s'agit du démon Daimyo, Oda Nobunaga. Pour la partie pop culture, je parlerai de mon manga coup de cœur, des sorties manga et des événements à venir dans la région. Enfin, nous parlerons santé avec mon samouraï du jour, et plus précisément du Shatsu, qui en a fait sa vocation. Philippe Vidal nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais avant d'en venir à tout ça, place à l'actu au pays des samouraïs. Le Japon surveille de près ce qu'il se passe chez nous, chez son voisin sud-coréen. En effet, le nouveau Premier ministre dit qu'il regarde avec attention la situation vis-à-vis de la décision radicale de son homologue Yoon Suk-yeol, qui a brandi la fameuse loi martiale que vous avez entendu parler dans les chaînes d'infos françaises. Cette mesure vise à, je cite, « protéger le peuple des forces communistes nord-coréennes et des mouvements qui tentent de renverser le système démocratique libéral ». Même si elle était temporaire, celle-ci a déclenché la colère de l'opposition qui avait déposé une motion de destitution contre le président. Le Premier ministre nippon avait informé qu'il prendrait les mesures nécessaires pour protéger ses compatriotes vivant là-bas. Comme quoi, les motions de censure ou de destitution s'étendent en ce moment. 22. C'est le nombre de nouveaux pictogrammes destinés aux touristes étrangers qui devraient bien se conduire au Japon. Cette année, le nombre de touristes va dépasser le record de 2019, qui était de 31,9 millions. J'ai souvent parlé de surtourisme au Japon dans les précédentes émissions, et c'est une fois de plus une mesure pour freiner les attitudes irrespectueuses de certains voyageurs. Parmi ces 22 pictogrammes, 14 concernent des interdictions. On peut trouver par exemple le fait de ne pas donner à manger aux animaux ou de ne pas prendre des photos dans certains endroits. Les autres signalétiques sont des recommandations, comme ne pas laisser sa valise dans un casier de gare pour éviter une saturation de ceci en cas d'heure de pointe. Les pictogrammes seront traduits en anglais, en chinois et en coréen. L'Office national du tourisme japonais encourage fortement les établissements touristiques à sensibiliser leur clientèle étrangère. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, me direz-vous? Enfin, il n'y a pas que l'anime One Piece qui prend une pause. Un des comédiens japonais, Kazuki Yao, ne fera plus la voix de Flanky, de l'équipage du chapeau de paille. Cela faisait presque 20 ans qu'il jouait ce personnage. Il avait également prêté sa voix dans le même animé à Mr. Two, alias Bond Clay dans l'arc Alabasta, ou encore Moon Bluetain, qui s'était fait passer pour le faux Luffy dans l'arc Sabaody. Le comédien avait écrit sur X, anciennement Twitter, « Le temps est venu pour moi de faire mes adieux déchirants à un homme avec qui j'ai passé près d'un quart de siècle. C'est comme une sortie de corps, mais je sens qu'un fossé s'est creusé entre mon Flanky et moi. C'est triste. Bon, attendons ce que vaudra son successeur. Peut-être que Akazuki Yao reviendra, on sait jamais. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Far away, I've come for you. Don't know why I searched all night and day, but when I'm here, darkness came, no lights to show the way. Dark despair, still I seek for you. Your smile. Il fait très froid en ce mois de décembre, mais la ville dans laquelle je vais vous emmener saura vous réchauffer, enfin presque. De son marché aux poissons jusqu'aux activités de ski, elle ne manque de rien et n'a rien à envier à ses lointaines voisines que sont Tokyo ou Kyoto, situées au centre du Japon. Allez, on est parti pour Sapporo. Située sur l'île d'Hokkaido, Sapporo en est la plus grande ville. Et elle est peuplée de près de 2 millions d'habitants. Étant donné que l'île se trouve sous la Sibérie, les températures moyennes peuvent aller jusqu'à moins 3,2 degrés Celsius en janvier. Mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. Donc mieux vaut ne pas se contenter d'un simple pull. Afin de prendre un peu de hauteur, grimpez au sommet du mont Moiwa, le plus haut sommet de la ville qui s'élève à 531 mètres d'altitude et qui offre une vue splendide sur la ville et surtout le soir. Pour y aller, vous pouvez prendre les transports en commun ou alors faire l'ascension à pied pour les plus sportifs, à travers des sentiers de moins de 5 km, le top pour les randonneurs. Si vous comptez vous y rendre entre fin janvier et début février, il ne faut surtout pas rater le Sapporo Snow Festival, où l'on peut admirer de magnifiques sculptures de neige et de glace, comme des temples ou bien des personnages de manga et d'anime. Ça dure depuis 1950. C'est un rendez-vous incontournable pour les Japonais et pour le monde entier aussi. Pour ceux qui aiment s'ambiancer, mais plutôt dans une période plus chaude, vous pouvez aller voir le Yosakoi Solan Festival, où de nombreux danseurs vont danser le Yosakoi, une danse née après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ne ratez pas le marché aux poissons, Nijo, qui depuis plus d'un siècle fournit des produits d'une qualité irréprochable. une cinquantaine de commerçants n'hésiteront pas à vous séduire avec leur pêche quotidienne. C'est dans ce marché que l'on vend les plus beaux spécimens de fruits de mer et de poissons, comme l'araignée de mer ou plus communément le crabe de Kaido. C'est d'ailleurs dans cet endroit qu'on a vu un animateur de Canal+, son nom je crois c'était Fred Cheneau, qui était allé à Sapporo et il a essayé de manger une huître qui faisait deux ou trois fois la taille d'une huître standard qu'on peut trouver en France. Vous savez, ça passe tous les ans dans les bêtisiers, donc voilà, quand vous verrez ça, vous repenserez à cette chronique. Sapporo, c'est un voyage dépaysant où la nature est quasi omniprésente dans une si grande ville. Votre émission 100% culture nippon revient tout de suite sur Fadjet. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Surnommé le démon Daimyo ou encore le Napoléon japonais, cet homme a œuvré à l'unification du pays du soleil levant en s'imposant lui-même face à des clans qui étaient bien plus forts que lui. Pour assouvir sa soif de conquête, il n'hésitera pas à faire preuve d'ingéniosité pour parvenir à ses fins. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Oda Nobunaga, de ce japonais avec un grand J, que je désire vous raconter. Alors que le Japon traversait de fortes turbulences politiques pendant l'époque Sengoku au XVIe siècle, avec le développement des clans. C'est dans ce contexte Koda Nobunaga ouvrit les yeux pour la première fois en 1534. Il naquit au milieu du clan Oda, qui contrôlait la province de Wali, là où se trouve la ville de Nagoya, aujourd'hui, au centre du Japon. Ce petit bout de Japon constituait un véritable atout économique pour le clan, en raison des nombreuses routes commerciales qui passaient par ce territoire. Très jeune, Nobunaga était critiqué pour son attitude excentrique et rebelle. En 1551, son père, Oda Nobuhide, s'éteint et ça s'avérera être un véritable basculement pour le fils qui va prendre la tête du clan. Cependant, des membres de sa famille voient cette accession d'un très mauvais œil, au point que certains de ses vassaux se poignardent mortellement le ventre pour faire part de leur opposition à sa nomination. Or, c'est une vieille tradition samouraï qui fait qu'au lieu de perdre tout honneur en tournant le dos, il valait mieux mettre fin à ses jours. Déterminé, Nobunaga va surmonter de nombreux obstacles. Le premier d'entre eux sera la bataille d'Ohi-Azuma, qui le confrontera à un puissant clan dirigé par Himagawa Yoshimoto, qui était un des daimyo les plus puissants de son époque. Composé de 25 000 soldats, Nobunaga ne ferait statistiquement, je dis bien statistiquement, pas le poids, avec quelques centaines d'hommes. C'est à ce moment qu'on va découvrir chez lui qu'il est avant tout un stratège hors pair. Il va le prouver en appliquant une attaque nocturne. L'équipe adverse, se sentant beaucoup trop confiante, sera prise par surprise. Le plan de Nobunaga était en fait de tuer le chef pour déboussoler toutes ses troupes, ce qui a fonctionné. Cette première bataille gagnée va permettre au jeune chef d'étendre son influence, de faire des alliances et de se faire un véritable nom. De bataille en bataille, il multiplie les tactiques et fait tomber un à un des clans puissants. Afin de moderniser l'équipement de ses troupes, il fera introduire pour la première fois au pays du soleil levant des armes à feu jusqu'ici inutilisées par les clans adverses qui hésitaient à s'en servir. Grâce à son génie, il cassera les codes des combats traditionnels et les victoires viendront comme une lettre à la poste. Les choses se compliquent cependant. Il se mettra à attaquer des moines bouddhistes, guerriers, et brûlera les édifices religieux, ce qui lui vaudra d'avoir une réputation d'homme cruel. Comme pour Napoléon, la soif de conquête peut être asséchée par la tragédie, et c'est ce qui arrivera à Nobunaga avec la tradition du Onogi qui scellera à jamais son destin. Alors qu'il séjourne au temple Onogi à Kyoto, un de ses fidèles alliés, Mitsuhide, pour des raisons que l'on ignore aujourd'hui, alors il y a des théories qui circulent, comme quoi c'est par rapport à l'attitude de Nobunaga, mais voilà, ça reste des théories. Le Mitsuhide et toutes ses troupes vont encercler le temple, et Nobunaga sera pris au piège, et Nobunaga suivra la tradition des samouraïs en se donnant la mort. Chercher à unifier le Japon nécessite un certain équilibre. Entre tradition et modernité, c'est par cette méthode que Nobunaga a essayé en vain cette opération d'unification qui se fera grâce à ses successeurs. Il a montré une certaine définition du leader, c'est-à-dire l'art de transcender son époque. Plus de Japon dans la lanterne des otaku sur Fadjet. I believe I'm not afraid to die. J'ai lu un certain nombre de mangas, mais en ayant lu celui-ci, dont je vais vous parler, j'ai été comme sonné, en l'impression de m'être fait berner, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce manga se nomme donc Confession, et est réalisé par le talentueux Keiji Kawaguchi et son acolyte de Season Life, Nobuyuki Fukumoto, dont j'avais parlé, j'avais évoqué le manga il y a quelques mois dans La Lanterne des Otaku. L'histoire se déroule dans une montagne du Japon, le mont Owari, Kasai et Ishikula essayent de gravir. Ce dernier était gravement blessé à la jambe. Alors qu'il pense être sur le point de mourir avec ce froid glacial et la perte de sang abondante, il confiera à Asai avoir tué Sayuri, une camarade de classe. Choqué, Asai porta quand même à bout de bras Ishikula jusqu'à un chalet et attendait les secours qui ne pouvaient venir que le surlendemain. À l'époque où ce meurtre avait été commis, les autorités considéraient que c'était une mort accidentelle. Alors que la jambe gauche d'Ishikula se nécrosait et le condamnait à marcher en béquille, il envisageait de mettre fin au jour d'Asai à cause de cet aveu. Là où il y a une forme de génie, c'est que j'ai cru jusqu'au bout qu'Ishikura était le vrai meurtrier de Sayuri. Mais il se trouve qu'Asai avait également une confession à faire. Alors qu'Ishikula cherchait à l'étrangler, Asai avoua que c'était en réalité lui qui avait tué sa camarade de classe. La raison ? Ce dernier se faisait menacer par Sayuri car elle était enceinte d'un bébé dont elle voulait avoir la garde exclusive car le père n'était autre que Asai. Ça l'a rendu fou et il a donc à l'époque manipulé Ishikula en lui faisant croire que c'était lui le tueur. Alors qu'en réalité c'était Asai. D'où le fait que je vous ai expliqué que j'ai été berné par les auteurs et que le fait de s'être attaché à un personnage qui en fin de compte se révèle être un criminel, ça m'a vraiment interloqué et c'est ce qui rend l'histoire vraiment très bien ficelée. J'ai eu la chance de rencontrer Keiji Kawaguchi et concernant les dessins, ils restent d'excellente qualité. Même après 50 ans de carrière, le grand Keiji reste au top. Encore plus de Japon dans La Lanterne des Otaku sur Fadjet. Euphoria in this story, let our souls be- Pas mal de mangas se trouvaient sous le sapin des sorties de ce mois-ci, avec les tomes 9, 10, 11 et 12 de New Grappler Baki, le célèbre ouvrage qui parle de boxe. On continue avec la sortie du 15e tome de Dan Dadan, avec Momo et sa bande qui sont à la recherche de la seconde boule d'Olakun. Enfin, ce n'est pas vraiment un tome mais un cahier d'activités, Demon Slayer School, Days avec des activités pédagogiques. Donc vous avez des coloriages, des énigmes, de toutes sortes de choses, donc bah, je me suis dit que j'ai estimé que ce serait intéressant de parler de ça. Pour les événements à venir, le mois de janvier va faire place au festival du film japonais Kinotayo, où vous pourrez voir notamment au cinéma de Marly, à côté de Metz, six films japonais sélectionnés qui seront diffusés du 25 au 31 janvier 2025. D'ailleurs, l'association Les Amis du Japon de Metz recherche un jury pour l'occasion. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message d'ici le 12 janvier. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadiat. Let's get it on. It's all for one. 集まった players. 平行線重なった flavor. 共に歩く方向は明確。こんな日々はブレスアップ ASAP。 僕らならどんな期待値も超えてゆく。To the top. ここから眺める頂上。動くイモーション。高鳴る行動。今すぐ set it up. 目指す場所は all the way up. またね。We are done. aujourd'hui, je donne la parole à un expert du shiatsu. Lors de la convention Animest qui s'est déroulée il y a quelques semaines, il a proposé des séances d'une demi-heure aux visiteurs curieux. Philippe Vidal est en studio pour nous en parler. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Fadjet. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, Philippe Vidal, je suis praticien shiatsu. Alors, j'ai un autre métier dans la vie civile et je suis très fan du Japon. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, justement, le shiatsu ? Pour résumer, parce qu'on me demande toujours la signification shiatsu, alors la signification précise, c'est la pression des doigts que l'on fait sur le corps. Et en fait, on fait de l'acupuncture en réalité. C'est très proche de l'acupuncture, sauf qu'on ne pique pas. La base de réflexion est la même qu'en médecine traditionnelle chinoise et en l'occurrence, la même qu'en shiatsu. Donc on travaille sur des méridiens, on travaille sur les énergies. Alors par énergie, ça comprend également aussi le sang, la lymphe, le système nerveux, etc. Donc lorsqu'on propose un shiatsu à quelqu'un, en fait, on traite d'une part le corps dans sa globalité, mais surtout en profondeur, en agissant sur l'ensemble des tissus physiques ou plus durs. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exercer le shiatsu ? En fait, c'est lié à une expérience que j'avais. Je pratique le zen, la méditation zen, et j'allais régulièrement dans ce qu'on appelle des seishin, c'est-à-dire des retraites zen. Et les retraites sont assez difficiles parce qu'on médite assis sur un coussin pendant de longues minutes et au bout de 3-4 jours, on commence à avoir des difficultés. Et il se trouve qu'à une seishin, j'avais rencontré une personne qui pratiquait le shiatsu. Je l'avais observé faire, pratiquer. Ça m'avait intéressé, en fait. Et ça m'a permis, d'une part, dans un premier temps, de mettre un peu le nez dans la médecine traditionnelle chinoise, voir les concepts, en fait. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi me lancer dans le shiatsu. Alors, je vais revenir un petit peu sur la pratique du shiatsu au Japon un petit peu plus tard. Quels sont un petit peu les motifs qui poussent les patients que vous avez reçus à venir consulter auprès de vous ? Alors, il y a beaucoup de patients qui privilégient les soins alternatifs, c'est-à-dire qu'ils ne font plus spécialement confiance en la médecine, mais en tout cas, bon, ils l'ont un peu éloigné, notamment l'allopathie. Donc, il y a ce type de patients-là qui, finalement, très peu nombreux. Après, on a aussi, je reçois souvent des gens qui ont tout essayé, sur lesquels rien n'a marché ou apparemment n'a pas marché. Donc, en fait, j'ai souvent des gens qui sont déjà dans des situations où la douleur, où les douleurs, où les troubles sont chroniques. Le plus dur et le plus intéressant, justement, c'est de pouvoir traiter et soigner ces personnes pour lesquelles les traitements conventionnels, habituels, n'ont pas forcément eu d'effet ou d'effet, en tout cas, significatif. Donc, ils estiment que c'est la dernière chance, quoi. En quelque sorte, c'est-à-dire que alors le shiatsu ou d'autres, hein, je pense que les gens viennent consulter tout ce qui est thérapie alternative avec plus ou moins de succès. Il se trouve que le shiatsu s'inscrit dans une démarche thérapeutique, mais qui est ancrée dans la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas dans les médecines asiatiques, pour lesquelles on a suffisamment de recul sur l'efficacité. Alors après, évidemment, l'efficacité est toute relative, en fonction aussi du trouble, qu'il soit physique, mais également les maux psychiques. Parmi les patients que vous avez eus, est-ce que vous avez eu affaire à un cas vraiment très difficile à traiter? Oui, tout à fait. Les problèmes physiques, que ce soit digestifs, pulmonaires, osteo-articulaires, sont pas très compliqués à traiter. En revanche, tout ce qui est maux psychiques, hein, les burn-out, les situations de dépression, d'anxiété chronique, ça c'est beaucoup plus long à traiter. On les traite, mais c'est beaucoup plus long et surtout il y a une réelle motivation du patient. Pendant la convention Animest, je vous avais rencontré et vous aviez manipulé un patient et vous appuyiez avec les pouces et vous me disiez que vous y mettiez tout le poids de votre corps dessus. Est-ce que cette personne s'est sentie plus apaisée ou est-ce que 30 minutes, c'est pas suffisant pour qu'il se sente bien ? Alors, il se trouve que cette personne s'est trouvée apaisée. Bah, elle avait un problème du bas du dos dans la région lombaire. Donc, que j'ai facilement décoincé. Alors, il se trouve que le shiatsu, en tout cas dans sa forme la plus traditionnelle, se fait au sol. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur table. Il y a quelques praticiens qui le font sur table, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on essaye de mettre, puisqu'on travaille avec les pouces, on ne peut pas mettre la force dans nos pouces. Donc, on transfère simplement l'énergie et notre force qui vient du ventre, qui vient du hara, on le transmet via nos pouces. Et donc, en fait, on se sert aussi du poids, évidemment, du corps. Alors, on ne met pas tout notre poids, hein, ça dépend ce qu'on traite. Mais en tout cas, ça passe quand même par... c'est pas la caresse. Hein, donc on appuie, alors pas comme des fous, mais on appuie un peu pour que justement le corps puisse réagir. C'est-à-dire qu'en mettant mes pouces, même en suivant les méridiens, ou pas d'ailleurs, parce que le shiatsu ne se résume pas en fait à suivre des méridiens. On fait des étirements, on fait des mobilisations comme on le fait tout à fait en ostéopathie par exemple. Et en mettant donc le poids du corps dans nos pouces, en fait, ça permet aussi au corps du patient de réagir, d'avoir une réponse en fait. Et souvent, comme les problèmes sont anciens et peuvent être profonds, du coup, mettre du poids, ça permet aussi d'activer et d'avoir une réponse qui vient du plus profond du corps du patient. Vous disiez avoir voyagé au Japon et avoir appris le shiatsu là-bas. Est-ce que vous trouvez que les Japonais sont plus stressés que les Français ? On n'a pas du tout le même type de vie, c'est-à-dire que les Japonais travaillent énormément, bien plus que nous. Donc ils sont sujets effectivement à des stress, à la fois à du stress psychologique, fatigue, burn-out, et qui se transcrit également physiquement hein, par des douleurs physiques, douleurs lombaires, douleurs cervicales, etc. Au Japon, on a fréquemment recours au shiatsu. D'ailleurs, le shiatsu, ça prend même en famille. C'est-à-dire qu'on parle souvent de shiatsu familial. C'est-à-dire que c'est vraiment très ancré là-bas. C'est très ancré. Le shiatsu, déjà, c'est apposer la main. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, vous posez simplement la main. Ça peut la rassurer dans un premier temps ou la calmer. Et en fait, le shiatsu est pratiqué quasiment en routine. Alors, pas forcément sur tout un traitement complet, mais sur des petites zones. Hein, vous avez mal à l'épaule, tiens, ce matin j'ai mal à l'épaule ou au bas du dos, ben, on va faire un petit shiatsu qui peut durer un quart d'heure, hein, pas plus forcément. Et c'est quelque chose, lui, donc, qui est une médecine ancienne au Japon, mais pas que, il n'y a pas que le shiatsu. Et les gens, en tout cas pour certains maux, viennent assez régulièrement consulter. En tout cas, ce que j'ai pu voir, les gens viennent 2 à 3 fois, voire 4 fois par an, par exemple, pour des maux. Après, si c'est plus compliqué, bon, ils font appel à la médecine classique, hein, comme tout le monde. Alors, ma dernière question, vous êtes allé au Japon, quels sont vos endroits préférés si vous en aviez deux ? Alors, j'ai bien aimé Takayama, à l'ouest de Matsumoto, dans les montagnes. Ah, j'aime bien Tokyo. Tokyo ? J'aime bien Tokyo. Pour son ambiance ? Pour son ambiance, ouais, c'est une ambiance électrique, ça visse, extrêmement dynamique. J'aime encore assez, pourtant j'aime bien la campagne, la montagne japonaise, mais c'est vrai que Tokyo est assez intéressante, il y a les grands parcs, superbes, il y a plein de possibilités. Après, pour une vie plus calme, oui, effectivement, Takayama, même Matsumoto, c'est des petites villes qui sont assez sympas. Là, je connais pas le sud, donc la prochaine fois que je retourne... Bon, bah, ça sera le prochain objectif. Fois. Exactement. Merci beaucoup, Philippe. Donc, si un auditeur veut venir vous voir, vous avez un cabinet ou est-ce que comment non, ça se passe ? Pour l'instant, je me déplace à domicile, en fonction des patients, selon leur disponibilité. Et ils peuvent donc me joindre soit sur un portable, soit sur une adresse mail que je vous laisse le soin de diffuser. Bien évidemment. Et sachant que une consultation dure entre 60 et 90 minutes. Oui. La première séance est gratuite. Gratuite, tout simplement pour faire connaissance avec le patient, proposer un traitement et puis on voit ce que ça donne. En fonction aussi du travail à faire, évidemment. Et puis après, voilà, si je dois reprendre la personne, bon, ça, on suit les tarifs normaux pratiqués un peu dans toute la communauté du shiatsu. D'accord, c'est noté. Bah, le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin de la lanterne des otaku. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez des moments en famille. Et je vous souhaite le meilleur pour l'année qui va s'écrire. Sayonara à tous.